problème. Problème de femme. Mon propre femme, elle est sortie avec un Congolais. Et ce Congolais-là, c'est mon ami. On mange ensemble. Mais aujourd'hui, je suis devenu son ennemi. Parce que c'était ma femme et que j'ai interdit ma femme. Ah, mon cher, au parquet là-bas, j'ai eu des problèmes, hein, des problèmes graves. J'étais en train de manger chez moi. Je vois les flics à ma porte. Ils sont venus me menotter. Vraiment, c'est malheureux. Hein. Les problèmes langues, si je te raconte, hein, il va pleurer quoi. Lumbu kiki na mambu malele msaka. Kukina kwe.